Les livres des Proverbes et de l'Ecclésiaste. Dixième siècle avant l'ère chrétienne. Les limites du royaume d'Israël s'étendent des rives de l'Euphrate aux frontières de l'Égypte. Le roi David occupe le trône de Jérusalem pendant plus de 30 ans. Puis Salomon, son fils, lui succède. Au début de son règne, il recherche l'Éternel de tout son cœur, comme l'a fait son père. Il sent ses limitations face aux responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Aussi se met-il à prier en ces termes. « Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Premier livre des Rois, chapitre 3, versets 7 à 9. Cette demande est fort agréable à Dieu, qu'il exaucera au-delà de toute attente. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Salomon a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Premier livre des Rois, chapitre 4, versets 29 à 34. L'on se souvient de la reine de Séba qui vint de la lointaine Éthiopie pour profiter d'une telle instruction. Mais qui dira le nombre d'hommes et de femmes qui, depuis 3000 ans, bénéficient de la sagesse de Salomon en s'inspirant de ses écrits? Certains indices de la science de Salomon apparaissent dans le livre des Proverbes. Lorsqu'il traite de l'atome, chapitre 8, verset 26, du globe terrestre, 8, 27 et 31, de la météorologie, chapitre 30, verset 4, de l'instinct des animaux, chapitre 30, verset 24 à 28, et de bien d'autres sujets encore. Mais les préceptes moraux demeurent l'essentiel du message des Proverbes. En général, ce sont des maximes très courtes, touchant des domaines fort différents, ou bien plusieurs versets du même passage sont consacrés à un thème particulier, par exemple à la femme étrangère, chapitre 7, à l'homme de bien, chapitre 12, à l'insensé, aux paresseux et aux rapporteurs, chapitre 26. Les chapitres 25 à 29 contiennent des préceptes de Salomon recueillis 3 siècles après sa mort par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Quant aux 2 derniers chapitres du livre, ils ont été composés par Agur et Lémuel, 2 auteurs dont on ne sait rien puisqu'ils ne sont pas mentionnés ailleurs dans l'Écriture. Les Proverbes n'ont rien de caduc. Au contraire, ils tracent une ligne parfaitement droite à ceux qui, aujourd'hui, veulent vivre dans l'intégrité et la crainte de Dieu. Leur actualité dynamique est un critère de leur inspiration divine. En voici 2 exemples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Proverbe 14, 34. Et Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. En notre siècle de matérialisme excessif, la révélation surnaturelle de Dieu qui nous est transmise par l'Écriture sainte est capable d'agir sur les peuples comme un frein, ou, si vous préférez, comme une digue face au courant destructeur du péché, de la corruption, de l'immoralité et des idéologies trompeuses. Heureux le peuple qui tient encore compte de la révélation biblique, et malheureux celui qui s'en détourne délibérément. L'histoire n'a-t-elle pas abondamment démontré ce principe? La valeur pratique de l'enseignement des Proverbes s'expérimente aussi dans les circonstances personnelles de la vie quotidienne. Certains l'ont si bien compris qu'ils ont fait des Proverbes leur livre de chevet ou leur calendrier mensuel, réservant l'un de ces 31 chapitres à chaque jour du mois. Nous vous engageons chaleureusement à faire de même. Revenons à Salomon. Après les actes de piété qui avaient caractérisé le début de son règne, il se laissa entraîner dans l'idolâtrie des peuples voisins, parce qu'il avait pris pour femme une multitude de princesses étrangères. Si la rédaction du livre des Proverbes date de la période où Salomon était intègre devant Dieu, celle de l'Ecclésiaste se place sans doute à l'époque du déclin spirituel qui a marqué la fin de son règne. Les Proverbes sont le reflet de la sagesse divine dont Salomon s'inspira au début de sa carrière. L'Ecclésiaste évoque les vains raisonnements d'un homme qui, bien que comblé de tout, est désabusé et ne recherche plus l'Éternel. Au contraire, il considère ce qui se passe sous le soleil à la lumière de ses expériences négatives. Aussi répète-t-il souvent dans l'Ecclésiaste « Vanité des vanités, tout est poursuite du vent ». Salomon s'attribue le rôle de prédicateur, car c'est là la signification littérale du terme « ecclésiaste ». Il parle 22 fois des maux qui affligent l'homme et 23 fois de ses peines. Il déplore que le mal règne partout, mais il tente de s'en accommoder, allant jusqu'à dire qu'il n'y a guère de différence entre celui qui s'applique au bien et celui qui se livre au mal. C'est un peu la philosophie d'un agnostique comme il y en a tant aujourd'hui. Effectivement, notre société soi-disant chrétienne compte des millions d'ecclésiastes qui croient à l'existence d'un Dieu suprême, mais qui n'ont pas de relation personnelle avec lui. Aussi, leur sagesse naturelle se heurte-t-elle toujours aux énigmes de la vie, de l'injustice et de la souffrance? Et aboutit-elle à cette constatation fataliste de Salomon? Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Chapitre 2, verset 24. Mais alors, direz-vous, puisque l'Ecclésiaste exprime l'apologie de la philosophie humaine, comment se fait-il que ces 12 chapitres soient dans notre Bible? Sans doute parce que la parole de Dieu est un miroir qui reflète l'homme tel qu'il est, et qu'elle démontre l'insuffisance de ses efforts philosophiques face aux questions essentielles de l'existence. Cependant, si le message de l'Ecclésiaste est obscurci par tant d'arguments négatifs, il laisse néanmoins entrevoir la lumière d'en haut à diverses reprises. Par exemple, au chapitre 3, verset 11, « Dieu fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Ou bien, au chapitre 12, dans la conclusion du livre, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Cet appel s'adresse aussi à l'homme moderne qui oublie son Créateur, en particulier au jeune homme et à la jeune fille d'aujourd'hui, afin qu'ils prennent plaisir à la connaissance de Dieu avant que leur cœur ne s'endurcisse. Ces mots « avant que » nous concernent, vous concernent tous. Il est plus facile de croire en Dieu à 15 ans qu'à 75 ans. Parce que l'Ecclésiaste en est persuadé, il insiste sur les conséquences du déclin propre au troisième âge, dans un texte très riche en métaphores. Je vous invite à vous y arrêter avec moi, chapitre 12, dès le verset 5. C'est le temps où les gardiens de la maison tremblent. Allusion aux mains qui, avec l'âge, se mettent à trembler. Temps où les hommes forts se courbent. Il parle ainsi de la faiblesse des jambes, puis il évoque successivement l'altération des dents. Temps où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. La baisse de la vue. Où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Et la surdité qui atteint si souvent les vieillards. Temps où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule. Et les images se succèdent. Temps où l'on se lève au chant de l'oiseau. Vous l'avez deviné, c'est une allusion à l'insomnie. Temps où s'affaiblissent toutes les filles du champ. Ici, Salomon parle des cordes vocales, puis il décrit ceux qui sont courbés par l'âge et qui craignent la mort. Temps où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. Il évoque ensuite, d'une manière poétique, les cheveux blancs. Temps où l'amandier fleurit. Avant de rappeler les graves maladies qui emportent si souvent les vieillards. Temps où le cordon d'argent se détache, où le vase d'or se brise, où le seau se rompt sur la source et où la roue se casse sur la citerne. Évocation suggestive de l'artériosclérose, de la paralysie des cellules nerveuses, des troubles circulatoires et de la crise cardiaque. Non, l'avenir n'appartient à personne. Demain peut devenir synonyme de jamais. Il ne faut pas attendre l'âge de la retraite pour s'occuper de Dieu. Avant que les préoccupations professionnelles ou familiales ne vous accaparent, avant que les infirmités d'une maladie ou de la vieillesse ne vous surprennent, souvenez-vous de votre Créateur, découvrez-le dans la prière et dans la lecture de la Bible. Que devez-vous faire pour rester irrémédiablement perdu loin de Dieu et dans la condamnation éternelle? Rien. Que devez-vous faire pour que votre âme soit sauvée pour la vie et l'éternité? Décidez-vous aujourd'hui pour Dieu. Reconnaissez votre péché et votre culpabilité devant lui et recevez par la foi Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur personnel.